Le vieux, par Léo Larguet. Le chanteur Max Lynor, de son vrai nom Casimir Barbeuil, ayant épousé la petite Lynne Avrillée, des Bouffes Fleuries, décida qu'il profiterait d'une tournée d'été pour aller voir son père, Sylvain Barbeuil, qui vivait comme un loup dans une combe des Cévennes. Il ne l'avait pas vu depuis 15 ans et le vieux ne répondait à aucune de ses lettres. Il avait rêvé d'un fils semblable à lui, travaillant dans ses terres toute la semaine et rentrant le lundi matin, après quelques dimanches orageux. Majeur, Casimir avait quitté le mal-humour de Combefeuille, et depuis, il n'avait plus entendu parler de son père. Quelques couplets de café-concert avaient consacré sa fortune. Son portrait s'étalait sur tous les murs. Il était connu comme un boulevard, un grand boxeur, un ténor, ou un illustre produit pharmaceutique, on disait Max Lynor comme on dit Rue Bergère. Dans le train qui les emportait, Lynne Avrillée s'amusait extrêmement à l'idée d'aller voir son beau-père. « Un vrai paysan, n'est-ce pas ? » disait-elle à son mari, glabre et correct comme un lord. Mince, fine, avec un visage chiffonné, enfariné, charmant sous un énorme chapeau de paille enguirlandé de coquelicots et de pivoine, elle ouvrait son éventail, croquait un bonbon et fredonnait l'air à la mode que scandaient durement les roues du wagon. Le père Barbeuil avait reçu la lettre de son fils et, sellant son vieux cheval, la seule affection qu'on lui connût, il s'était décidé à descendre jusqu'à la gare d'Andorge. Pour attendre l'express, il était entré à l'auberge et on n'entendait plus que sa voix âpre dans la salle obscure. « Il en avait de l'aplomb, revenir après 15 ans, un joli monsieur. » Il avait vu son portrait sur la couverture d'une romance, ça, son fils, jamais de la vie, une tête sans moustache. Et il passait en parlant sa main velue dans ses poils de sanglier. Et sa femme, une chanteuse encore, osait venir dans le pays où tout le monde avait connu la mère Barbeuil, la grand-mère qui pouvait, sans aide, saigner un porc. Et les tantes et toutes les femmes de la famille, honnêtes, robustes et matinales, qui foulaient de leurs larges pieds nus les dalles chaudes des airs bibliques. Allons donc, on allait voir la façon dont lui, Sylvain Barbeuil, la recevrait. Les fainéants de la commune lui versaient à boire, pensant qu'à l'heure du train il s'amuserait un peu. Rouge et toujours furieux, il se leva, prétendit avoir le temps d'aller jusqu'au village faire une course, et il quitta l'auberge. Lorsque le train s'arrêta devant la gare d'Andorge, Max Lynor chercha son père. Un employé lui dit qu'il l'avait aperçu. Son cheval était encore attaché à la porte de l'auberge. Il gagna le cabaret avec sa femme. Goguenard, les buveurs et la patronne leur firent des politesses. Le père Barbeuil n'allait certainement pas tarder. Son verre était encore là. Il ne l'avait pas achevé. Sûrement il allait revenir, et il serait bien content. Et on lui montra un verre épais, à demi plein d'un vin clair où se noyait une abeille. À travers champs, Sylvain Barbeuil se hâtait vers la gare avec un ami rencontré au village. Il s'en voulait d'avoir laissé son cheval devant la porte. Les clients avec lesquels il avait bu étaient sortis sur la route pour ne rien perdre de ce qui allait se passer. De temps en temps, il s'arrêtait dans l'argile sèche des glèbes qui se fendillaient et, d'un geste large, montrait les montagnes à son compagnon, Combefeuille, où étaient enterrées sa mère et sa femme, Baldorge, où étaient sa belle-mère et ses tantes, la Métairie, d'où il était lui-même sorti, tous les patrimoines, les bouts de champs au perché, les châtaigniers héréditaires, familiers et pareils à des ancêtres, et il s'indignait de sentir confusément la tradition rompue, et il parlait avec véhémence de ce fils renégat qui le déshonorait, prétendait-il, avec sa femme de Paris et ses chansons. Il arriva à l'auberge en sueur et grondant, mais il s'arrêta, les bras tombants. Devant la porte, pendant que son mari préparait pour elle un verre d'eau sucrée, Lynne Avrillée, menue, élégante et délicieuse, ayant ôté le voile mauve de son chapeau fleuri, chassait toutes les mouches de la commune attablées au cuir perlé du cheval que le père Barbeuil avait oublié là. L'écharpe douce caressait la vieille bête et dans sa main gantée, Lynne Avrillée offrait aux longues dents jaunes du cheval tous les bonbons de son sac. La colère du vieux tomba comme une armure débouclée, et devant les buveurs qui attendaient la scène, il s'approcha de la jeune femme et lui posa sur les joues deux gros baisers maladroits et timides qui sentaient la vendange. Puis, le soir, au soleil couchant, on vit Sylvain Barbeuil regagnant sa métairie perdue avec un panier de ce qu'il y avait de meilleur au village. sa barbe de sanglier était parfumée d'avoir frôlé le visage de sa belle-fille, qui, assis sur le vieux cheval, s'extasiait et battait des mains devant les paysages d'abîme. C'était le vieux, parlé au larguet.